vers la fourmi. Près d'une ruche enclose, bonne et pleine de soucis bleus, abeille vive, gilante. La belle soirée se présente, que viens-tu chercher ici? Lui dit-elle, hélas, ma chère. Répond la pauvre fourmi, ne soyez pas en colère, le faisant mon ennemi a détruit ma fourmilière. Mon magasin est tari, tous mes parents ont péri de faim, de froid, de misère. J'allais succomber aussi, quand du palais que voici, l'aspect m'a donné courage, je le savais bien garni. De ce bon miel faut ouvrage, j'ai fait des forges, j'ai fini, par arriver sans dommage, où me suis-je dit pas sœur, est une laborieuse, elle est riche et généreuse, elle aimera mon malheur, où tout mon espoir repose, dans la bonté de son cœur, je demande peu de choses, mais j'ai ma sœur, oh, répondit la belle, vous discourez la merveille. Mais vers la fin de l'été, la cigale m'a conté que vous aviez rejeté une demande parfaite.